Il arrive qu'on s'égare dans la fureur nos amours. Un seul mot nous sépare et nous met nos dialogues dessous. Au cœur de la tempête, comme des poignards que l'on se lance. Les mots que l'on regrette ont l'amer goût de la défaite. Pas de mots pour faire ce que la vie nous a offert. J'ai goûté son contemple. Faut-il parler, faut-il se taire? Il est en nous le mal. Son contemple.